Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Wallace Roney, l'héritier de Miles Davis. Vous devez toujours créer votre propre musique. La création donne parfois l'illusion que vous vous éloignez de quelque chose, mais tant que vous prenez votre instrument et que vous en jouez, ça demeure votre musique. But long as you're picking up your horn and you're playing it, it's your music. I can't hear in Miles Davis the same thing he hears in Miles Davis. Je ne peux pas entendre dans la musique de Miles Davis la même chose que lui entendait en la jouant. Et j'entends la musique de John Coltrane de manière différente que lui la faisait ou voulait la faire. La différence entre ces deux perceptions, c'est moi, c'est ce que je suis. Et c'est exactement ça que vous devez suivre. Le problème de crédibilité et de légitimité ne vient pas de vous. Il vient toujours de ceux qui veulent vous enfermer dans une boîte ou qui n'acceptent pas de vous prendre tel que vous êtes. Wallace Roney à la chaîne iRock Jazz en 2011. Toute sa vie, Wallace Roney va devoir se défendre de n'être que la pâle imitation de son idole, Miles Davis. En fait, la filiation est très forte et cette filiation qui existe entre les deux musiciens sera à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de Wallace Roney. Wallace Roney est mort récemment à l'âge de 59 ans. Il fait partie de ceux qui ont été emportés par la COVID-19. L'animateur de l'émission Quand le jazz est là, présenté à Ici Musique, Stanley Péan, a bien connu Wallace Roney. Il a accepté de venir nous en faire le portrait dans le cadre de notre série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien ou d'histoires qu'ils ont vécues. Stanley Péan, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est vrai, Stanley, que faire une émission sur Wallace Roney avec vous, c'est à la fois, évidemment, aborder un sujet que vous connaissez bien, vous êtes un spécialiste du jazz, en même temps que ça nous permet de raconter une histoire qui vous est aussi personnelle, parce que vous l'avez connu, vous avez développé une relation d'amitié avec lui. Parlez-moi de ça, on va commencer par là. Parlez-moi de lui, parlez-moi de ce lien d'amitié qui s'était forgé avec lui au fil des ans. Quel genre d'homme était Wallace Roney? Une amitié bien impromptue, presque surprenante en ce qui me concerne, parce que je ne pouvais pas imaginer que j'allais devenir comme ça proche de ce musicien que j'admirais depuis la fin des années 80 à cause de son travail auprès du batteur Tony Williams. Et je l'ai vu à plusieurs fois en concert avant d'avoir à l'interviewer une première fois en 2001, alors qu'il était au Festival international de jazz de Montréal pour présenter un hommage à Miles Davis encore. Mm-hmm. Et c'était un homme intense, c'était un homme très, très sérieux, en même temps quelqu'un qui pouvait rigoler et quelqu'un de très, très généreux de son temps quand on parlait de musique, quand on parlait de ce qui le passionnait. Un type aussi très humble. Hein. Il avait conscience de sa valeur, mais en même temps, il était toujours habité par le doute. Oui. Et ça a connecté, évidemment, à cette passion de la musique que vous partagiez. Il y avait ça, mais il y avait plus que ça. Tout de suite, il y a une connexion, comme on dit, entre vous deux. Bien, à notre première rencontre dans sa chambre d'hôtel en juillet 2001, je remarque la présence sur un des deux lits de la chambre de comic books de super-héros. Or, j'ai grandi à lire ces magazines et je lui dis « Bon, c'est pour vos enfants ?» Il me dit « Non, c'est pour moi. » Puis on s'est mis à blaguer là-dessus. Et c'est toujours revenu dans nos discussions par la suite. À chaque fois qu'on avait une entrevue à faire, on commençait par se dire « As-tu vu le nouveau film Marvel ? As-tu lu ce qui se passe présentement dans telle série ?» Même si je les suis moins, je les suis un peu à travers mon fils, ça faisait qu'il y avait ce contact-là. Ouais. Et puis l'album qu'il défend au début des années 2000, No Room for Argument, il y avait là-dessus une pièce qui évoquait beaucoup l'univers de Prince et on s'était mis à discuter de son rapport avec Prince qui était grand ami de Miles Davis, que Wallace a connu aussi et qui se produisait la même année au Festival de jazz de Montréal. Wallace devait participer au concert et il a voulu faire une sieste, il ne s'est pas réveillé à temps pour venir se joindre au groupe de Prince. Eh bien, on va commencer avec un moment précis de la carrière de Wallace Roney. D'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez suggéré, vous nous direz dans un instant pourquoi, mais il y a comme un point tournant pour lui, c'est ce fameux concert désormais mythique de Montreux où Wallace Roney accompagne son maître Miles Davis à la trompette. Thank you. Ouais, je pense qu'on peut parler, Stanley Péant, de véritables moments de grâce quand on entend ces deux grands trompettistes dialoguer ensemble, Miles Davis et Wallace Roney. Ça se passait à Montreux en juillet 91. C'est un concert qui est historiquement important dans l'histoire du jazz parce que Miles accepte, après des années, il accepte enfin de reprendre ses vieux classiques sur scène avec certains de ses anciens comparses, entre autres Quincy Jones. Mais ça marque aussi, ce concert-là, un point tournant dans la carrière de Wallace Roney. Vous vouliez qu'on commence le récit de sa carrière avec ce moment précis. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de passation des pouvoirs. Hein? Miles, pendant longtemps, la rumeur circulait qu'il ne voulait pas faire ce concert, que c'est Quincy Jones qui l'avait forcé. En fait, il avait dit à Quincy Jones, ça va être coûteux. Quincy avait dit, le budget n'est pas un problème, on a beaucoup d'argent au Festival de jazz de Montreux. Il dit, non, je ne parle pas d'argent. Il dit, je veux dire, physiquement, c'est difficile de jouer cette musique. Ça va être coûteux pour moi, physiquement. Mmh. Et donc, dès le début, il avait envie de le faire parce que le spectre de Gil Evans lui avait dicté l'importance de le faire et aussi parce qu'il avait envie de faire ce concert avec Wallace Roney. Il avait promis à Wallace Roney, un jour nous jouerons cette musique ensemble, cette musique qui a l'âge plus ou moins de Wallace Roney. Ce sont des disques enregistrés à la fin des années 50, début des années 60. Et donc, Wallace aura participé aux répétitions. Miles veut plus que ça. Miles veut l'avoir à ses côtés presque comme un bâton de vieillesse. Et il y a ces moments où il lui passe la parole, où il y a ces moments de dialogue comme on vient d'entendre, où les deux jouent ensemble. Wallace prolonge les phrases de Miles. Il y a quelque chose là qui est très, très symbolique pour le jeune Wallace Roney. Il a 31 ans à ce moment-là. Et quand on voit le vidéo de ce concert, il faut le voir avec cette espèce de sourire qu'il a, c'est vraiment le moment clé. Il est sur scène avec cet homme qui l'idolâtre depuis l'enfance, cet homme qui l'a pris sous son aile depuis 8 ans, qui est devenu son ami et son mentor. Et c'est donc un grand moment pour lui. Puis il y a vraiment pour lui, c'est ce qu'il vraiment le fait connaître. Wallace Roney, il y a un avant et un après à Montreux. Mais c'est en même temps un piège. Puis je reviens à ce qu'on entendait et même à l'extrait qu'on entendait de Wallace Roney au début de l'émission, Stanley Péant. Il en est conscient de ça. Ce piège-là, c'est que il aime Miles Davis. Il ne fait pas que jouer Miles Davis. Il le comprend. Il se le réapproprie. Mais le piège, c'est que autant sa carrière repose sur Miles Davis, autant on dit de lui, bof, c'est un imitateur de Miles Davis. Il y a quelque chose de très injuste, justement, dans cette position-là, de se dire qu'il se contente d'imiter Miles Davis, parce que quand on les écoute attentivement, même dans le court passage qu'on vient d'entendre, il y a une réelle différence. C'est quelqu'un qui est influencé par Miles Davis, mais qui a différents apports, qui est allé chercher chez d'autres trompettistes, et qui a sa propre personnalité, comme il le disait dans l'extrait du début. L'idée, c'est ce que lui entend chez Miles va être filtré par sa sensibilité. Ce qu'il lui entend chez John Coltrane, il va le filtrer et le faire sien. Et quand on écoute attentivement, et quand on considère la variété de ses expériences, de tout ce qu'il a fait, on se rend compte qu'il n'a pas juste creusé le sillon imitant Miles Davis. C'est quelqu'un qui mangeait de la musique et qui avait envie d'essayer toujours de nouvelles avenues. Ouais. Bon, prenons une minute pour parler un petit peu du jeune Wallace Roney. Non seulement ce n'est pas qu'un imitateur de Miles Davis, mais le temps va nous dire que c'est un des grands trompettistes du 20e siècle. Ça arrive quand la trompette et cet amour qu'il a de la trompette dans sa vie? Il est tout jeune quand il découvre la trompette. Son père en a une à la maison. Son père est un ancien boxeur, policier, qui a une trompette parce qu'il a connu Lee Morgan à Philadelphie. Il a toujours gravité autour de la musique. Ils écoutent du jazz, ses amis et lui. Ils viennent à la maison pour partager ce plaisir d'écouter des disques ensemble. Et il y a une trompette à la maison dont il joue plus ou moins et surtout mal, selon Wallace. Mais lui, tout petit, il aime cet instrument et il dit à son père, je veux jouer. Son père lui dit, si tu peux tirer une note de l'instrument, je t'en achèterai une et tu suivras des cours. Mais évidemment, à 4 ans, impossible de tirer une note de l'instrument, surtout si son père lui interdit d'y toucher en son absence. Par contre, la mère lui permet de sortir la trompette et il va travailler jusqu'à être capable de faire une ou deux notes qu'il fera entendre à son père, qui va se prendre la tête en se disant, bon, d'accord, ben à ce moment-là, on va t'en acheter une et tu vas pouvoir suivre des cours. Et donc, ça va être une formation classique, une formation très, très technique où il va apprendre l'instrument à l'école. Et dès lors, ce sérieux que j'ai toujours trouvé chez lui s'installe. Il est un enfant qui est vraiment programmé pour ça. Et il rappelle un peu le héros du film Over the Blues de Spike Lee. Apparemment, Spike Lee s'était un peu inspiré de Wallace Rooney. Ah, mais oui. Tu vois, c'est un enfant qui fait ses exercices tous les jours, qui passe des heures et des heures à la trompette. Quelle oreille absolue, qui est un petit prodige, vraiment un musicien très, très talentueux. Puis assez vite, il y a une contradiction quand on parle du début de sa carrière. J'allais dire assez vite, il se fait remarquer comme un meilleur espoir dans le monde du jazz. En 89-90, là, il est nommé meilleur espoir du jazz en ces années-là. En même temps, le début de sa carrière, c'est la catastrophe dans les pays. C'est une période vachement... Et c'est drôle parce qu'il est contemporain de Wynton Marsalis. Il a connu Wynton Marsalis, qui lui a tout eu tout d'un coup. Et peut-être que ça a rendu ça plus difficile pour certains autres de la même génération qui n'arrivaient pas à trouver, tirer leur épingle du jeu. Mais en tout cas, lui, qui est encensé par les plus grands, adolescents, il joue avec Philly Joe Jones, un ancien batteur de Miles. Très tôt, il va enregistrer. Il est sur son premier disque à 16 ans. Donc, la carrière professionnelle débute très, très rapidement, mais va savoir, même s'il est boursier, même s'il fréquente les grandes écoles de musique, ce n'est pas encore l'éclosion du succès, jusqu'à ce qu'en 83, on lui propose de participer à ce grand hommage à Miles Davis qui est présenté à l'automne 83 à Radio City Music Hall. Donc, il va s'affirmer comme un des trompettistes importants. Et c'est là qu'il rencontre Miles lors de ce concert-là. Oui, dans ce concert-là, il y a un passage. Il est invité là par George Butler, qui est le patron de la division jazz de la firme Columbia. Il y a 7 trompettistes qui seront sur scène, 7 parmi les plus prestigieux, puis 7 inconnus, Wallace Rooney, qui vont jouer un blues ensemble, accompagnés par la section rythmique de l'ancien groupe de Miles Davis, donc Herbie Hancock au piano, Ron Carter contrebasse, Tony Williams à la batterie. Et ces 7 qui se partagent des lignes de blues. De ces 7-là, il y en a un qui attire l'attention de Miles, qui est assis dans la salle et qui demande à le voir dès la fin du concert. Il demande à Art Farmer, qui était un autre des trompettistes sur scène, « Amène-moi le jeune ». Et donc, Art Farmer dit à Wallace Rooney, « Ton homme, ton maître veut te rencontrer ». Puis Wallace Rooney est troublé, il est tourmenté par la nervosité, l'idée de rencontrer Miles Davis, aussi cool qu'on peut être, il va être en face de quelqu'un qu'il considère presque comme un dieu. Ouais. Et en fait, le lendemain, Miles lui dit, il est complètement... quand je parlais de connexion entre vous et Wallace Rooney. Il y a eu une première très forte connexion entre Miles Davis à ce moment-là, en 83, et Wallace Rooney. Il dit, il lui demande à un moment donné, tu joues avec quel genre de trompette? Il dit, j'ai pas vraiment de trompette, je l'ai loué. Miles est complètement étonné de ça. Il lui dit, tu m'appelles et tu viens me voir demain. Et là, ça commence. Oui, et donc, il se rend chez Miles le lendemain, très nerveux, ne sait pas à quelle heure se pointer, finit par se pointer en après-midi après avoir téléphoné. Et Miles, après avoir passé une journée à parler de musique avec lui, va lui tendre une trompette turquoise qui est nommée Blue and Green. C'est le titre d'un morceau, un morceau central dans Kind of Blue, le chef-d'œuvre de Miles Davis. C'est d'ailleurs la trompette avec laquelle Miles a enregistré Kind of Blue. Il lui donne cette trompette-là en lui disant... Quand on a du talent comme toi, on ne peut pas jouer sur une trompette louée. Voici maintenant ta trompette. Et toutes ces années où j'ai vu Wallace Rooney en concert avec la trompette bleue en main, je ne pouvais pas savoir que c'était la trompette qui a servi à enregistrer Kind of Blue. Et cette trompette-là, qui s'appelle Blue and Green, ça va donner ce qui suit. C'est la pièce Blue and Green qu'on entend. C'est tiré du premier disque solo de Wallace Rooney qui s'appelle Verses. Et c'est en 1987 que ce disque-là paraît. Le milieu des années 80, c'est l'explosion pour lui. Il y a ce premier disque, mais c'est à ce moment-là aussi qu'il va jouer avec 2 anciens batteurs de Miles qui vont faire appel à lui. C'est vraiment l'explosion, le milieu des années 80, avant le moment, le point tournant de Montreux, Stanley Péan. Oui, il a fait partie des Jazz Messengers d'Art Blakey. Il en était le directeur musical. Tony Williams l'a également recruté, donc des batteurs qui sont parmi les plus prestigieux du milieu du jazz. Et Tony Williams joue d'ailleurs sur Versus. Il lui fait cette faveur. Normalement, je suis ton employeur. Maintenant, je serai ton employé. Et vraiment, à 27 ans, voilà, on vient de l'entendre, le phrasé, l'intonation, c'est la parfaite reproduction de Miles. C'est quand il improvise qu'on voit la différence. Mais il a compris comment ça se passe dans l'esprit de Miles, parce qu'il est un des rares musiciens trompettistes avec qui Miles a discuté de musique. Miles, c'était pas quelqu'un qui aimait discuter de musique. Avec ouais. Wallace Rooney, il le fera parce qu'il sent qu'il a quelque chose à léguer à ce jeune homme. Et donc, il a une compréhension du système, si on peut appeler ça comme ça, de Miles Davis, la construction des solos de Miles Davis. Il sait exactement comment c'est fait. Ron Carter, qui a été le contrebassiste de Miles dans les années 60, le dira. Il est le seul de tous ces trompettistes influencés par Miles qui comprend pourquoi les notes sont là et non pas simplement reproduire de la même manière, mais simplement voir l'organisation. Oui. Un passionné de Miles, un fou de jazz, mais qui, dans sa carrière, va aussi faire quelques pas mal, en fait, pas mal d'incursions du côté de la pop. C'est une reprise de la chanson de Dolly Parton, I Will Always Love You, qu'on entend. Ça nous dit quoi, ce qu'on vient d'entendre, Stanley Payen, sur la personnalité, sur la musique aussi que va faire Wallace Rooney? Ça nous dit que c'est un homme qui est branché sur son temps. Il écoute, il a toujours écouté de la musique populaire, il en a toujours entendu. Il n'était pas intéressé à se lancer dans cette veine-là. Pour lui, la musique sérieuse, c'est le jazz. Mais par contre, il est très sensible à la beauté des mélodies pop et ne dédaigne pas puiser chez Motown, chez Dolly Parton, chez différents groupes pop, des mélodies qui l'intéressent et qu'il pense pouvoir interpréter à sa manière, les amener dans son univers à lui. I Will Always Love You, évidemment, il l'a dédié à Miles. C'est une espèce de déclaration d'amour à son mentor qui vient de décéder à ce moment-là. Mais il le dira, il ne s'en cachera pas. Il aime une belle mélodie. Il va collaborer avec Michael McDonald des Doobie Brothers. On va l'entendre aux côtés de Joni Mitchell. Julienne Gréco fera appel à lui. Et ça, c'est drôle parce que Julienne Gréco, qui a été l'amante de Miles, qui n'a jamais enregistré avec Miles, pour toutes sortes de raisons, va avoir une trompette de Miles soufflée par son protégé qui va l'accompagner sur un disque le temps d'une chanson au milieu des années 2000. Ouais, donc ça, c'est intéressant, ce côté-là de lui qui n'empêche pas que ça reste ce jeune prodige qui est un musicien sérieux. Vous nous en parliez deux fois, vous avez parlé de ça. Il aime la musique en guillemets sérieuse. Et ça transparaît aussi, cet amour du jazz, dans certains de ses enregistrements. Ce qu'on écoute, cette pièce, Homage and Acknowledgement, c'est un très bon exemple de ça. L'oreille avertie aura décelé l'astuce de cette pièce-là, mais je vous laisse nous en parler de cette pièce Homage and Acknowledgement tirée du disque No Room for Argument, un disque qui est paru en 2000, Stanley. Ça se joue en temps réel, mais c'est un mash-up de deux mélodies, de deux arrangements. D'un côté, le premier mouvement de Love Supreme de John Coltrane et en même temps, Fille de Kilimanjaro de Miles Davis. Les deux, le groupe joue Une partie du groupe joue un des deux morceaux, l'autre partie joue l'autre. Wallace Roney navigue entre les deux mélodies à la trompette. Et c'est une technique qui est tout à fait courante en hip-hop, mais souvent avec des échantillonnages, pas en temps réel de jouer la musique de deux morceaux en même temps. Et c'est ce que lui propose parce que ce sont pour lui deux disques marquants, des disques de sa jeunesse, des disques qui lui ont fait aimer davantage le jazz que A Love Supreme et Fille de Kilimanjaro de Miles Davis, qui est un disque de Miles qui commence à passer à l'électrique, qui commence à passer justement à ce jazz rock auquel il a été associé dans les dernières années. Ouais. Vous lui avez parlé pour une dernière fois en 2019, au mois d'août 2019, à votre ami Wallace Roney. Il lançait à ce moment-là un disque qui s'appelle, son dernier disque en fait, qui s'appelle Blue Dawn, Blue Night. On va terminer là-dessus, sur cette dernière rencontre, sur ce que vous retenez de lui, Stanley Péan, puis sur l'héritage aussi qu'il nous laisse à nous tous, amateurs de jazz. Ce qu'il nous laisse, écoutez, il était le printemps précédent la sortie de ce disque au Saguenay, donc dans mon patelin. J'avais réussi à convaincre les gens du Festival Jazz et Blues du Saguenay d'inviter Wallace Roney. Et ça avait été vraiment un grand moment, toujours dans cette espèce de sérieux. Et ce doute, il me dit à l'entracte, est-ce que c'est bon? Parce que je viens visiter le groupe dans sa loge. Il me dit, est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est satisfaisant ce qu'on joue? Comme si j'allais critiquer Wallace Roney. Et donc, on avait parlé de ce disque qui s'en venait. C'était le premier disque avec ces jeunes musiciens qu'il avait pris sous son aile. Il était rendu maintenant à cette étape-là de transmettre tout ce savoir qu'il avait appris de Miles, de Dizzy Gillespie, de Woody Shaw, de tous ces grands trompettistes qui l'avaient parrainé. Voilà que là, il avait des musiciens à peine trentenaires à ses côtés et à qui il a donné toute l'attention. Sur ce disque-là, ce sont essentiellement leurs compositions à eux, évidemment arrangées selon les goûts de Wallace Roney, selon l'exigence de Wallace Roney. Et il était très exigeant avec eux. Ouais. Et donc, ce qu'il laisse, c'est ce musicien aventureux qui a un pied ancré dans la tradition, qui respecte la tradition, qui est très attaché à la tradition, mais qui la filtre à travers sa propre sensibilité pour pouvoir la pousser un peu plus loin, aller ailleurs. Et c'est ce qu'il racontait de toute façon dans le premier extrait qu'on a entendu. C'est comme ça qu'on fait avancer le jazz. On ne peut pas créer de manière spontanée à partir du vide. Il faut qu'on soit ancré quelque part. Et c'est ce qu'il a essayé de faire tout au long de sa carrière. Stanley Péan, comme toujours, c'était un bonheur de vous entendre parler de jazz et cette fois-là de votre ami Wallace Roney, animateur de l'émission Quand le jazz est là, à Ici Musique, ami d'Aujourd'hui l'Histoire. Stanley Péan, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.